50 languages. 93. 93. الجمل الثانوية مع إن. Subordonné avec si. Subordonné avec si. لا أدري إن كان يحبني. Je ne sais pas s'il m'aime. Je ne sais pas s'il m'aime. لا أدري إن كان سيعود. Je ne sais pas s'il va revenir. Je ne sais pas s'il va revenir. لا أدري إن كان سيتصل بي. Je ne sais pas s'il va m'appeler. Je ne sais pas s'il va m'appeler. أيحبني يا ترى؟ Et s'il m'aime? Et s'il m'aime? هل سيعود يا ترى؟ Et s'il revient? Et s'il revient? هل سيتصل بي يا ترى؟ Et s'il m'appelle? Et s'il m'appelle? إني أتساءل إن كان يفكر بي. Je me demande s'il pense à moi. Je me demande s'il pense à moi. إني أتساءل أما إذا كانت لديه صديقة أخرى. Je me demande s'il en a une autre. Je me demande s'il en a une autre. إني أتساءل أما إذا كان يكذب. Je me demande s'il ment. Je me demande s'il ment. هل يفكر بي يا ترى؟ Et s'il pense à moi? Et s'il pense à moi? هل لديه صديقة أخرى يا ترى؟ Et s'il en a une autre? Et s'il en a une autre? هل يقول الحقيقة يا ترى؟ Et s'il dit la vérité? Et s'il dit la vérité? إني أشك فيما إذا كان يحبني حقا. Je doute qu'il m'aime vraiment. Je doute qu'il m'aime vraiment. إني أشك فيما إذا كان سيكتب لي. Je doute qu'il m'écrive. Je doute qu'il m'écrive. إني أشك فيما إذا كان سيتزوجني. Je doute qu'il m'épouse. Je doute qu'il m'épouse. أتساءل إن كنت حقا أعجبه. Et s'il m'aime? Et s'il m'aime? سيكتب لي. أتساءل إن كان حقا. Et s'il m'écrit? Et s'il m'écrit? أتساءل إن كان حقا سيتزوجني. Et s'il m'épouse? Et s'il m'épouse?